Les mains froides, par André Cortis. De loin, devant la femme, l'homme, sursautant, soulevé, les deux bras étendus, eut l'air de danser, deux fois en deux secondes, et dans le crépuscule, le petit trait lumineux qui, par deux fois, relia l'un à l'autre ses promeneurs arrêtés et discutant face à face, fait bref comme l'éclair de ces pétards innocents que trouvent dans les coiffures surprises en papier les petits-enfants. En voilà deux qui rigolent sans attendre le carnaval, pensa de père Paul, dit le grand Jésus, parce qu'il portait la barbe en pointe et qu'il était blond. Là-haut, dans le bois, il se reposait d'avoir fait trois fagots en regardant la route, et d'apercevoir ces deux-là qui s'amusaient de cette façon, il se mit à rire, lui aussi. Pas longtemps. Assez de jours encore traînaient sous les pins pour qu'il vit l'homme tomber sur le bord de la route, la barrée d'une tache noire qui ne bougea plus. Alors le grand Jésus se précipita. Mais il y avait bien 5 à 6 minutes de dégringolade à travers la broussaille. Le sentier où l'on peut courir librement était beaucoup plus bas. Il y bondit enfin. Une petite dame s'y promenait. Très jolie, tout en blanc, mais les yeux gonflés, l'air triste, elle fut surprise et jeta un grand cri. « N'ayez pas peur de moi !» dit de père, haletant. « Je cours parce que j'ai vu. C'est un homme qu'on vient de tuer. »« Oh mon Dieu !» dit la petite dame. Elle le suivit. Menu, souple, elle allait aussi vite que lui. Un apprenti maçon tout poudreux, blanc et bleu, qui rentrait de son travail par cette route déserte, les vit courir, se pencher, et fut près d'eux en 3 bonds. « Ah bien, par exemple, » dit-il en devenant tout pâle. « J'ai vu ça de là-haut, » racontait le grand Jésus. « Qui l'a tué ?» demanda la dame en blanc. « Une femme. Quelque histoire de jalousie, bien sûr. Elle s'est sauvée dans le bois. » « Ah, » dit la dame, « une femme. » Elle se redressa. Il n'y avait plus aucune pitié sur son petit visage. « Ah, vraiment, une femme. » Elle parlait entre ses dents. Le gamin, impressionné, s'était éloigné de quelques pas. Et de père, à genoux, dégrafait le faux col, appuyait son oreille contre la poitrine du malheureux. « Peut-être qu'il n'est pas mort, » soupira-t-il, « mais je n'y entends rien. » Quelque chose dans la poussière était bleu comme le ciel bleu. « Le revolver, » murmura le gamin en le montrant du doigt. « Touche pas, » cria de père, « faut tout laisser tel que, à cause des gendarmes. » Il se releva. « Je cours jusqu'au bailleul pour prévenir. On enverra un médecin. Reste là, toi petit, des fois qu'il ouvrirait les yeux. » Et puis enfin, quand même, on ne peut pas le laisser tout seul. L'enfant s'assit sur le talus. La largeur de la route le séparait du gisant. Mais près de celui-ci, la petite dame blanche, plus brave, resta debout. Elle le regardait de haut, méprisante. C'était un homme assez jeune, assez fort, vêtu d'un veston bleu et cravaté de rouge sur une chemise à raies. Son visage, aux joues pleines, aux traits gras, avait maintenant la couleur de la poussière qui lui servait d'oreiller. Il n'est pas beau. Enfin, elle devait bien l'aimer tout de même pour avoir fait ça. Une borne se dressait à moins de 2 mètres au bord du fossé, RD5, Saint-Raphaël, K24. La dame s'assit sur la borne. De l'autre côté de la route, le gamin, un peu remis, la regardait avidement. Mais elle ne semblait pas savoir qu'il fût là. Elle continuait d'être toute seule, comme elle était depuis 3 heures, seule avec le ciel et les pins, et son cœur désespéré. Cet homme, frappé de 2 balles, cet homme étendu, n'avait peut-être aucune réalité. Un rêve trop furieusement rêvé finit quelquefois par sortir de nous-mêmes, se matérialise. Mais non, décidément, il était trop laid. Le mort que Régis serait demain aurait une autre apparence. Celui-ci, oui, c'est drôle. En le lui montrant, le destin avait vraiment l'air de lui dire « Tu vois, n'hésite plus, ça se fait tout le temps, et ce n'est pas difficile ». Elle redressait la tête. Les larmes commençaient à brûler ses yeux. « Mais je n'hésite pas. Je suis décidée, décidée, décidée. » Sa main rageuse tordait le sac de raffia dans lequel, en sortant de l'hôtel, elle avait mis son goûter, un livre, des cigarettes. Là-dessous, quelque chose bossuait un peu la paille, quelque chose de pareil à ce que l'autre femme, en se sauvant, avait jeté sur la route. Plus jolie, par exemple. Libre entre les 2 revolvers, mon Dieu, oui. La même différence qu'entre ces 2 hommes. Celui qui abattrait Régis s'ornait sur la crosse de nacre travaillé en damier. Elle l'avait acheté à Cannes, l'avant-veille, quand elle avait compris, à bout de larmes, de supplications, qu'il n'y avait plus rien à faire pour retenir son amant. Liane d'argent. Elle était Liane d'argent, mannequin. Lui au juste, elle ne savait pas trop. Un ami d'un ami d'une de ses amies. Grand, gentil, l'œil câlin. Elle l'avait aimé si vite que ça ne pouvait pas, que ça n'aurait pas dû pouvoir durer. « Bah, console-le, Liane, » avait dit l'ami de l'ami. « Il y a une femme qui lui fait du chagrin. » Pendant un mois, elle n'avait plus du tout pensé à cette femme-là, ni d'ailleurs à personne. Elle était trop heureuse. Un de ces bonheurs foudroyants, dévorants, qui suppriment en même temps le passé et l'avenir. Quand Régis lui avait proposé un petit voyage, 15 jours sur la Côte d'Azur, elle avait dit oui, sans s'inquiéter de rien, et demandait tout de suite un congé chez Marthe et Marinette au risque d'y perdre sa place. Ces 15 jours avaient commencé par une semaine merveilleuse. Le soleil, déjà, chauffait le sable et sentait le printemps. Peu de monde à l'hôtel. D'ailleurs, quand même, il y aurait eu foule. Liane ignorait maintenant les robes des autres femmes, le regard des hommes. Elle ne voyait que Régis. Lui-même la désirait, l'aimait peut-être. Il en avait l'air. Et puis, voilà qu'un matin, sur le plateau du petit-déjeuner, il y avait eu dans son courrier une lettre. Oh, sa figure, en découvrant, en prenant l'enveloppe. Sa figure. Il s'était enfermé pour lire dans la salle de bain. « Rien, une affaire difficile que j'ai réussi. » avait-il répondu pour expliquer son visage rayonnant à Liane, tout de suite harcelante et désespérée. Par convenance, par pitié peut-être, il n'avait dit que 2 jours plus tard. « Mon petit, c'est fini, il faut que je rentre à Paris, plus tôt que je ne pensais. Non, pas avec toi. Je dois repartir tout de suite pour l'Amérique. Bien sûr, j'ai du chagrin, moi aussi, beaucoup de chagrin. C'était gentil, nous deux. Mais puisque tu as 15 jours, profite donc de tes vacances jusqu'au bout. Reste ici, l'hôtel sera payé. Tu as ton billet de retour. » Elle n'écoutait plus rien. C'était gentil, nous deux. Elle se sentait mourir. Et lui ne trouvait que cela. C'était gentil, voilà tout. Et brusquement, elle s'était mise à sangloter, à supplier. Cette femme dont on lui avait parlé le premier jour, cette femme qui faisait de la peine à Régis, c'était elle qui lui demandait pardon, qui le rappelait, qui lui promettait. « Allons, » disait le jeune homme, « tu es folle. » Et c'est vrai qu'elle sentait venir la folie pendant qu'elle imaginait sur cet autre corps le regard, la bouche, les mains de son amant. « Régis, je ne veux pas !» Il la calmait, pitoyable, mais elle savait bien que déjà rien d'elle ne le touchait plus. Il partirait le jeudi, c'était décidé, irrévocable. Alors, dans un vertige, elle aussi avait pris sa décision. Et pendant leur dernière promenade à Cannes, imaginant d'aller dire bonjour à une amie, vendeuse dans une confiserie, elle était entrée chez l'armurier. Dans la poche de son épais manteau de fourrure, le revolver ne pouvait se voir. Elle et Régis étaient rentrés, se parlant tout le temps et de n'importe quoi, doucement, poliment. Déjà, ils ne pouvaient plus se taire l'un devant l'autre et ne savaient plus s'entretenir d'eux-mêmes. Et voilà que c'était pour demain. Demain matin vers 11 heures. Le rapide partait à midi. Toute la journée, sa place à retenir, des visites à faire, son amant l'avait laissé seul. Et le bois sauvage qui la garda 3 heures, marchant lentement, lourdement, comme une bête, ou s'appuyant haletante aux arbres rugueux, s'y écourchant les mains, le bois sauvage avait achevé de lui donner les conseils nécessaires. Toute la scène était maintenant déterminée, construite, et si exactement qu'à la dernière minute, il n'y aurait même plus à vouloir, donc à hésiter. Bien sûr, elle donnerait à Régis une dernière chance. Elle le supplierait encore, désespérément. Et puis, comme cela serait inutile, plutôt que de le laisser aller vers cet autre, qu'elle avait assez tout d'un coup de les faire du chagrin. De la route où elle attendait près de l'homme étendu en face du gamin qui, du bout de son espadrille, faisait des ronds dans la poussière et s'arrêtait brusquement, repris de son épouvante, on voyait la mer, là-bas, entre les pins. Violette, tachée d'argent, elle berçait doucement le soir qui s'allongeait sur elle. Personne ne passait. Les pins sentaient bon. Un oiseau chanta. Aucun oiseau ne chanterait sur le silence de Régis quand il serait tendu comme celui-ci, la face couleur de poussière, les dents brillantes entre les lèvres mal jointes, les yeux clos. Des gens courraient, crieraient, et tous en même temps entreraient dans la chambre. Oui, à cause de ce monde, il fallait que la chose n'eût lieu que quand Liane serait prête, fardée, bien coiffée. En peignoir, peut-être. Son peignoir était neuf, en satin rose, brodé de papillons d'argent. l'avait fait faire pour Régis, pour lui plaire. L'autre femme, en ce moment, devait aussi penser à ses robes, à son linge. Elle avait ce cœur, ce corps qui brûle, qui défaille d'attendre. Ah, le flot des larmes suffoqua Liane une fois de plus, et c'était la deuxième depuis qu'elle quitta l'hôtel. Les mains rageuses, dans le sac, palpaient l'objet lourd et froid. Pour cacher son visage, elle se tournait, se penchait. Le gamin, lui, ne la quittait pas les yeux. C'était plus rassurant de ne regarder qu'elle. Il la crut soudain attentive. « Hein? Quoi ? » souffla-t-il. « Il a bougé ?»« Je ne crois pas, » murmura Liane, la voix étranglée. Mais tout tressaillit à travers ses larmes, les pins, la route, le mort lui-même. Elle se leva, vint tout près et se mit à genoux. Qu'est-ce qu'il avait bien pu faire, ce gros garçon, pour mériter son sort ? Trahir ? Abandonner ? Les lèvres de Liane bougeaient tout doucement, et le petit maçon la crut en prière. Mais elle disait seulement « C'est bien fait, c'est bien fait. » Et de tout près, avide, sans peur, sans pitié, avec une curiosité horrible, elle étudiait cette chose rigide et sans expression que devient le visage d'un homme abattu par une femme. Vraiment, qu'il était calme. Et s'il ne vivait plus, qu'il avait peu souffert. Près du cœur, un peu, très peu de sang imbibait le veston et noircissait déjà. Mais cela se pouvait-il comparer à ce grand flot qui saigne au cœur des délaissés, à cette torture sans fin? Ainsi Régis aurait ce masque tranquille, ses bras à l'abandon, l'un repli un peu, l'autre le long du corps, pendant qu'elle-même ne cesserait plus d'être hurlante, déchirée. Vraiment, il n'y avait aucune proportion entre les tortures subies et ce petit châtiment. Elle le regrettait, elle. Une limace couleur d'orange traversa la route. Après l'oiseau crépusculaire, la première chouette, à présent, jette son petit cri douloureux. Au bord du fossé, le gamin, qui s'est mis debout, n'ose cependant approcher. « Eh bien » chuchote-t-il. « Eh bien quoi ?» demande Liane, sans baisser la voix. « Il est tout à fait mort. Touchez sa main pour voir. » Une main courte, épaisse, avec de vilains ongles. Résolument, Liane pose dessus sa petite main toute entière. « Oh » soupire-t-elle. « Oh !» Ses doigts voudraient se détacher, mais ne le peuvent pas tout de suite. Ils se crispent, au contraire. Malgré elle, ils saisissent, ils retiennent. Quelque chose d'horrible qui les pénètre lentement, envahit la paume, le poignet, monte le long du bras. Et voilà que Liane se met à trembler si fort que le petit, là-bas, toujours blême, attentif, voit bouger ses épaules. Alors ? C'est froid, souffle Liane. C'est presque tout à fait froid. L'autre main est celle qui repose le long de la hanche. Pour l'atteindre, Liane n'ose s'allonger par-dessus le corps. Elle se traîne, à genoux, fléchissante, rampant presque, contourne les pieds dressés dans leurs chaussures de cuir jaune, épaisses, déformées, et doucement allonge trois doigts qui continuent à trembler. Elle a 23 ans. Bien sûr, elle a déjà vu des morts à l'hôpital, une vieille tante qui l'a élevée, une petite sœur. Elle a dit sa prière en pleurant près de ses formes tranquilles, qu'un drap blanc recouvrait jusqu'au menton et qu'elle n'a pas touché. Du moins, elle ne se rappelle plus. Et puis quand même, ça n'est pas la même chose, les morts que fait le bon Dieu, que prépare la maladie, et ceux qui brusquement, en une seconde, parce qu'une femme ne peut pas supporter l'idée qu'une autre femme. Ainsi demain, demain, Régis aura ces mains-là qu'on soulève, qui retombent, ses mains froides, si froides. Liane se dresse, elle trébuche, parvient à se mettre debout. Et elle voudrait courir pour traverser la route, mais elle se traîne, comme une vieille. Ses bas sont déchirés, elle ne le sait pas, elle ne sait pas que sa belle jupe blanche est perdue, souillée par une poussière pleine d'huile et de crottin. Enfin, elle atteint le talus, il s'y abat près du gamin tout grelottant à son tour de la sentir ainsi grelotter contre lui. « Foutu, hein ? » murmure-t-il, elle répète, parlant elle aussi plus bas qu'à l'église. « Froid, c'est froid. » Et fixement, elle regarde là-bas, l'argent mauve de la mer prenant peu à peu la couleur du plomb pendant que le petit maçon, troublé plus que tout à l'heure, mais différemment, oublie tout à fait le mort pour cette vivante qui sent bon. La valise est au milieu de la chambre, courroie bouclée. Il est 11 heures. Régis, dans une demi-heure, doit quitter l'hôtel. Qu'il s'applique et qu'il a besoin de sa plus délicate politesse pour paraître ému, ce grand garçon net qui se démène à travers la chambre et ne cesse de regarder l'heure. Son œil brille. Sa bouche épaisse et belle frémit, sourit malgré lui. Et Liane, le regard ne quitte pas cette bouche, devine les mots qu'elle prépare pour bientôt, pour demain, et les baisers. Comme elle l'avait décidé, elle est coiffée, fardée, et serre sur son corps le beau peignoir rose brodé de papillons d'argent. Régis le demandait de ne pas aller à la gare. Elle s'y attendait. C'est tellement mieux de ne pas se dire adieu devant tout le monde quand on a du chagrin. Bien sûr, a-t-elle consenti. Mais elle le sait bien. Ce qu'elle redoute, c'est d'être vue du train par quelqu'un qui pourrait le reconnaître et raconter plus tard à une certaine personne. Mais il n'était pas seul sur la Côte d'Azur, Régis Fournet. Elle sait cela. Elle sait aussi comme il répondra si la certaine personne, malgré tout, apprenait quelque chose. Oh, voyons, un caprice, une pauvre distraction. Est-ce que ça compte seulement? Non, ça n'a pas compté pour lui, mais pour elle. Quelle nuit, cette dernière nuit, où elle n'a pu dormir. Un peu de lune entrait par la fenêtre entr'ouverte et l'odeur de la terre qui prépare le printemps. Régis s'agitait, se retournait, mais ne l'approchait pas et feignait le sommeil si elle lui parlait. Depuis que cette lettre est arrivée, il l'a étreinte une seule, une dernière fois, par charité. Et puis, il est devenu comme un étranger. Oh, elle se détourne et mord jusqu'au sang la paume de sa main. Cela arrête les larmes. Elle ne veut pas pleurer. D'une voix tranquille, elle demande « Tu n'as pas oublié ton chypre sur la table de toilette ?» Et brusquement, changée, suppliante, bouleversée, parce qu'elle a décidé que serait faite cette tentative suprême et que tout se passe ce matin, que tout doit se passer comme elle l'a décidé. « Régis, j'ai trop mal. Je ne veux pas. C'est impossible. Impossible que tout soit fini entre nous. Je veux te revoir à Paris. » « Mais c'est cela, mon pauvre petit, qui est tout à fait impossible, » dit Régis avec douceur. Et vraiment, sa pitié voudrait être sincère. Il ne voit pas de quel farouche regard la jeune femme soudain fixe le sac en raffia qui pend innocemment à la clé de l'armoire. Elle allonge le bras. Régis s'est rapproché. Le peignoir bâille. C'est sur la chair nue des tendres épaules que se posent les longues mains un peu sèches, toujours chaudes. Eliane ferme les yeux. Le premier jour où ses deux mains ont saisi ses poignets à elle, qui ne se défendait pas. Elle se rappelle, comme le sang se précipitant, portait à travers tout son corps le feu de cette petite place brûlée, et depuis, chaque fois que les chères mains l'ont touchée. Rien que d'imaginer l'approche, le contact de cette espèce de fièvre qui toujours les habite, quel délice l'envahissait, la consumait. Elle se rappelle. Brusquement, elle se retourne. Quelqu'un, sans même frapper, est entré dans la chambre, le garçon que Régis a sonné tout à l'heure pour qu'il vienne prendre les bagages. « La voiture est là, monsieur. »« Allez-vous-en » Liliane, à l'homme ahuri qui s'occupe d'équilibrer sous son bras la boîte à chapeau et la mallette de cuir où sont les papiers avant d'empoigner une valise, puis l'autre. « Laissez-nous !»« Allons, allons !» murmure doucement Régis qui commence à mettre ses gants. « Ma petite fille, il est l'heure. »« Une minute encore !» supplie Liliane. « La dernière. La toute dernière minute. » Ils sont seuls. L'homme au bagage est parti, balançant sa charge, et Liane, derrière lui, a claqué la porte. Elle revient vers son amant, elle le regarde, et ce regard un peu égaré se promène aussi à travers la chambre, s'attache à la fenêtre, à moins que ce ne soit à l'armoire, ouvre le sac en raffia. Quelle étrange, quelle profonde expression peut donner le chagrin à la plus puérile créature. Et soudain la voici qui saisit les mains de Régis, elle en arrache les gants, les beaux gants de cuir tanné aux coutures épaisses. Et ses deux grandes mains nues, elle les presse contre sa gorge, contre ses joues et son front sur sa bouche. Elle y enfouit son visage, et ses doigts serrent, pétrissent, comme s'il voulait une dernière fois s'assurer de quelque chose, s'en imprégner. « Madame ne sait pas, » dit la femme de chambre en apportant le lendemain matin le petit déjeuner. Elle bavarde tout en poussant les volets. Le grand jour qui entre éclaire au fond du lit un pauvre visage, des yeux qui de la nuit ne se sont pas fermés et qui brûlent, épuisés. Hier soir, les gendarmes, en continuant de chercher dans le bois, ont trouvé encore un autre revolver. Très joli celui-là, avec un manche en nacre. On se demande si c'est quelqu'un qui l'a perdu ou quelqu'un qui l'a jeté. En tout cas, il n'a pas servi celui-là. Il est encore plein, chargé avec toutes ses balles. Liane n'a pas répondu. C'est drôle, n'est-ce pas, madame? Oui, dit enfin Liane, c'est drôle. Mais elle ne semble guère avoir envie de parler, et l'autre, ayant disposé le plateau, se hâte d'aller porter ailleurs son bavardage. Alors Liane, soulevée sur un coude, regarde le ciel bleu et puis, près du lit, sur une table, la petite pendule. 9 heures. À Paris, le rapide entre en gare. Cette femme est sur le quai. Régis se penche. Il n'attend pas pour bondir que le train se soit tout à fait arrêté, et puis... En une seconde, Liane dépêche les heures. La voici dans une chambre, ou bien dans un salon. Elle ne sait pas bien. Elle ne voit nettement que 2 mains, caressantes, avides. Mais chaude, chaude, vivante. A-t-elle envie de crier? Et les larmes qui montent ne peuvent pas couler parce que les dévore. Au fond des yeux élargis, une espèce de joie hagarde et désespérée. C'était Les mains froides par André Cortis.